ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson. Fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette 94.2. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver le dimanche matin à 10h. Daniel avec vous, Yves à la technique, pour cette cinquième émission de la cerise sur le canto, dédiée à la chanson française. Des chansons connues, d'autres bien moins, et certaines complètement oubliées, que nous nous efforçons de ressortir avec plaisir. Un jury qui classe les chansons programmées et qui élit les trois gagnantes de l'émission. Le jury est souverain et il a classé dans l'émission précédente, troisième, comme avant, Jean-Jacques Lafont. Classé second, il rate la première marche, c'est Monsieur Gilbert Bécaud avec Monsieur Pointu, la vente aux enchères. Approchez, messieurs dames, s'il vous plaît. Approchez, approchez. À la vente aux enchères, préparez la monnaie. Moi je suis là pour vendre et vous pour acheter. Des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Du rêve pour pas cher, à ma vente aux enchères. Moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Si loué.

Un coup de pied au cul, 7 sous la dame en bleu. Une fois, deux fois, 8 sous le soldat. Bravo caporal, ce coup de pied au cul te fera général. Un petit effort, un coup de pied au cul en or. 9 sous, j'ai entendu, 9 sous pour la barbu, 10 sous pour le soldat. 1, 2, 3, vendu soldat. C'est bon, soldat, c'est bon, soldat, c'est bon. Moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire. Pouvez-vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères? Siloué par le jambon du long. Accrochez ses rallons, ça va continuer. Bonne jambe, procédant, serré dans, ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Deuxième lot, un grand chagrin d'amour. Ouais, c'est bon ça, c'est bon. Un grand chagrin d'amour, un grand œuvre de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris les billets. Elle est partie sans moi, là. Là, j'ai failli crever. Tenez, vous pouvez constater, c'est pas cicatrisé. La cicatrice. La cicatrice. Mise à prix. Mise à prix. 10 sous. 10 sous. 10 sous, 10 sous, 10 sous, 10 sous, c'est pas beaucoup, 10 sous, voilà, voilà, 10 sous. 10 sous, qui est mieux, on souffre, monsieur, monsieur est amoureux, tant mieux. On sous, voilà, voilà, on sous, c'est court, un bon chagrin d'amour, c'est comme du velours. Une fois, deux fois, 13 sous, monsieur l'abbé, voyons, monsieur l'abbé, un bon chagrin d'amour, monsieur l'abbé, sourd, qui a levé la main, le monsieur dans le coin, vous avez dit combien, putain, 15 sous, madame en noir, 15 sous, madame en noir, 20 sous pour le vieillard, 1, 2, 3, vendu vieillard. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Hey, pouvez-vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères? Ouais, ouais, tiens. Siloué. Bonne jambe, approchez-la. Approchez ses rayons, ça va continuer. Ouais. Bonne jambe, approchez-la. Ses rayons, ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Troisième lot. La mort du héros. Oh là là. Une superbe mort que j'avais gardée pour moi. Sans curé, sans docteur. Une mort de gala. Une mort en pleine nuit. Tout debout et bien droit. Un bon coup de fusil. Bon. C'est pas beau ça, monsieur. La mort du héros. La mort du héros. Avec fusil. Avec fusil. Mise à prix. Mise à prix. Un frein. Un frein. Un franc, c'est pas beaucoup. Un franc, un manche au lit. Deux francs, monsieur a dit. Monsieur ne fait pas rien, c'est bien. Deux francs, un manche au lit. Je le dis. Un beaucoup de fusil, je le dis. Une fois, deux fois, une mort comme ça. Si vous ne l'achetez pas, ben, je la garderai pour moi. Une mort en pleine vie, tout debout et tout nu. Un beaucoup de fusil. Salut. C'est pointé. À la première place, le jury démontre sa sensibilité à la musique country et notamment au folklore québécois. Donc gagnante de l'émission La Cerise sur le Canton numéro 4, la bastringue Edith Butler. La pastringue, venez, venez, je vais vous faire danser. La cul pas trop avant, ouais. Vous avez dansé, vous allez vous fatiguer. Voilà, la bastringue. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre, quand je dis vous pouvez, c'est vous devez, non ? Nous rejoindre sur la page Facebook de la cerise sur le canto, Patchwork. Alors, il se passe un certain nombre de choses. Vous avez déjà en priorité les titres qui seront diffusés le dimanche. Et puis, vous pourrez jouer au tiercé sur ces chansons. Et puis, vous commencez à trouver les podcasts des émissions précédentes. Voilà, la page Facebook, la cerise sur le canto, Patchwork. Et voilà maintenant la sélection d'aujourd'hui, avec un petit ton d'opérette. Une chanson qui a bien failli ne jamais sortir de son tiroir, et que Johnny Hallyday a enregistré en catastrophe, à la demande de Mariti Carpentier. C'était pour une émission de télévision que je t'aime, Johnny Hallyday. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes et des forêts. Thank you. le ciel dans tes yeux. D'un seul coup, et plus pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime. Tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel de loup tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. La Veuve Joyeuse, c'est une opérette autrichienne en trois actes de Franz Lehár. Et le thème de l'heure esquise a été repris par de très nombreux interprètes, dont Matthé Alteri, heure esquise Matthé Alteri. Gardez-moi, va faire maintenant, dans l'année 2018, un duo de Mylène Farmer avec la chanteuse américaine Laura Pergolizzi, qui se classe en tête des ventes lors de sa sortie fin juin, c'est-à-dire il y a quelques mois. N'oublie pas, Mylène Farmer et Laura Pergolizzi. La dégoûtée de ce monde, sous la lampe un dernier songe, j'entends ta voix, malgré tout ça, et tes mots, respecter l'autre. 'Cause in all the worlds I've come upon, I never saw another one that sparkled like your diamond in the sun. La chambre m'aime et sans pitié, le paradis tombe à mes pieds. Pourtant, we know, ta voix dit jamais. Fin des années 50, début 60, un prêtre jésuite se hissait aux toutes premières places du classement des disques. Oh, on n'appelait pas ça encore le top 50, mais ça pouvait peut-être bien s'appeler le hit parade. Et le père Aimé Duval était surprenant et moi j'étais fan. Comme un soldat, père Aimé Duval. Comme un soldat revient de guerre, tout doux, tout doux, tout doux. Un paysan revient des champs, tout doux, tout doux, tout doux. Quand il passa, couvert de glaise, tout doux, tout doux. Il enchanta Marie-Thérèse, tout doux, tout doux. Je ne reviens pas couvert de gloire, mais de poussière plein la voix. Donne-moi donc un verre à boire, que je te cause un peu de moi. Comme un soldat revient de guerre, tout doux, tout doux, tout doux. Un paysan revient des champs, tout doux, tout doux. Quand il passe couvert de glaise, tout doux, tout doux, tout doux. Il chanta pour Marie-Thérèse, tout doux, tout doux. Il parle de lui-même. J'ai bataillé comme à la guerre, des poitrailles sous le ciel clair. Dieu, que le ventre de la terre est dur à fendre sous le fer. Comme un soldat revient de guerre, tout doux, tout doux. Un paysan revient des champs, tout doux, tout doux, tout doux. Quand il passa couvert de glaise, tout doux, tout doux, tout doux. Il chanta pour Marie-Thérèse, tout doux, tout doux. Je ne reviens pas d'un pas alerte, sous le soleil le jour est long. J'ai marché loin de l'ombre verte et j'ai du plomb dans les talons. Comme un soldat revient de guerre, tout doux, tout doux. C'est une chanson qu'il a composée pour Marie-Thérèse. Marie-Thérèse n'était autre que sa mère. Ah ben là, il faut que je vous raconte. En 1984, ben c'est pas d'aujourd'hui, hein, je sévissais sur les ondes d'une radio qui n'existe plus, en l'occurrence Radio Frisson. Et je découvrais un beau matin, en prenant mon café, un article du journal qui parlait du père Duval. Il y avait bien longtemps qu'on n'en parlait plus. On pouvait apprendre que ce dernier demeurait à Nancy, Cour Léopold. Ben, immédiatement, je pensais l'inviter dans mon émission. Alors, le plus dur aura été de le joindre. Ah, il ne tenait pas en place. L'oiseau sur la branche. Au groupement des étudiants catholiques, il vivait avec les alcooliques anonymes et il était très souvent en concert ailleurs. Grâce au AA, c'est comme ça qu'on les appelle, les alcooliques anonymes, nous finîmes par nous rencontrer et je lui fis part de mes projets radio auxquels il adhéra immédiatement. Bon, écoute, je pars en Italie faire un certain nombre de concerts. Lorsque je reviens, tu peux compter sur moi, c'est d'accord, ok. L'homme ne put pas tenir sa promesse, parce qu'à son retour, il décédait le 30 avril 1984. Et c'est avec ses amis AA que je préparais l'hommage au père Aimé Duval, diffusé à l'antenne de la radio le dimanche suivant son décès. Ce qui me surprit le plus lors de la préparation avec les AA, c'est qu'il l'appelait Lucien. Oui, le père Aimé Duval, il l'appelait Lucien. Il savait qu'il était guitariste, sans plus. Et l'homme avait totalement éclipsé la grande vedette qu'il avait été. Très attentif aux gens les plus humbles, aux misères et aux humiliations des autres. Il nous reste son livre, dans lequel il déballe tout. Le titre du livre, « L'enfant qui jouait avec la lune, chanteur jésuite alcoolique ». Son bilan d'artiste, 3000 concerts dans 44 pays du monde. Alors, salut Lucien, salut le père Aimé Duval, et salut l'homme, je ne t'ai pas oublié. Une grande amitié le liait avec l'anticlérical Georges Brassens, qui le mit en scène d'ailleurs en le chambrant copieusement dans la chanson « Trompette de la renommée », « Trompette de la renommée », Georges Brassens.

la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Rien. Mais rien. Rien. Je n'ai strictement rien trouvé concernant l'artiste suivant. D'après sa chanson, il doit être suisse. Il s'appelle Gérard Aubert. Et si vous avez des informations, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page de Facebook et les mettre, je serai très heureux d'en avoir. Gérard Aubert, je viens d'un pays. Je viens d'un pays, de ciel et de montagne, de plateaux, de campagne et de vertes prairies. En de courtes distances, partant de Germanie, il s'en va vers la France et jusqu'en Italie. Mon pays, d'une main vagabonde, on le cherche parfois sur la carte du monde. On le cache d'un doigt. Mon pays, un pays si petit que partout où l'on va, comme moi à Paris, on l'emmène avec soi. Je ne suis pas fantoche et ni même farceur. Il est là dans ma poche et du côté du cœur. Je viens d'un pays où les filles sont tendres, quand une vous sourit, ce n'est pas pour se vendre qu'on s'appelle François, Franz ou Francesco. On a la même croix sur le même drapeau. Mon pays, quand le soleil est loin et que l'orage gronde devant un pot de vin, on fait le tour du monde. Mon pays, mon pays, un pays si joli, au point que l'on m'accuse, quand je parle de lui, d'être inspiré des muses. Je ne suis pas fantoche et ni même farceur. Il est là dans ma poche et du côté du cœur. Je viens d'un pays, s'il diffère des autres, c'est qu'il est mon pays, comme vous avez le vôtre. Si je parle de lui avec autant de foi, la preuve est, je crois, qu'il est bien mon pays, mon pays. J'ai laissé mon troupeau, mon bonnet d'Armaï, mais on lit sur ma peau le nom de mon pays. C'est un rappeur originaire d'Orléans, Ritza, Ritza c'est son nom, et il est nommé dans la catégorie Révélation de l'année au Energy Music Awards 2016. On s'en ira, Ritza. Hey, hey, hey. Ici votre commandant du bord, DJ Samo, avec mon copilote, Ritza. Direction. Où tu veux, GPS, c'est bon. Ah, c'est parti. C'est l'homme, la famille, c'est le phénomène. On change de pays, on se fait la belle. Toujours en équipe, c'est le numéro 7. Les darons me valident, je suis calé loin du Jackson. Je les entends parler, je laisse. Moi, je dois passer voir ma belle. Ouais, la mise. ciao ciao bella, donne-moi la mano, nous on va sérieusement. Ciao bella, ciao ciao bella, j'appelle tes parents pour leur jeter en moi. Et si ma maman, je veux que toi et ma maman, on sourira et aïe aïe aïe. Passons-nous, ma chérie, fais la sourde. Quand il nous voit sourire au soleil, on jaloux. Ciao bella, ciao ciao bella, donne-moi la mano, nous on va sérieusement. Ciao bella, ciao ciao bella, j'appelle tes parents pour leur jeter en moi. Hey Zina, y'a ma maman, je veux que toi y'a ma maman. On s'en ira, hey ya ya ya. On va chérie, ouai ouai ouai ouai. Tu penses à moi jour et nuit, ni, ni. Nous on ira au bout, je te le dis, ni, ni. Personne ne prend ta place dans ma vie, ni, ni. Toi et moi, toi et moi, toi et moi. Tout le monde est là, là, là. Ma famille, c'est la tienne, c'est chez toi. Quand je brille, c'est que t'es près de moi. Toi et moi, toi et moi, toi et moi. Hey Zina, y'a ma maman. Je veux que toi et ma maman. On s'en ira, hey, aïe, aïe, aïe. On va chérie, aïe, aïe, aïe, aïe. Ben oui. Ah, y a plus d'essence, Ritza. Ah, c'est pas grave. Bah oui, quand y a plus d'essence, on s'arrête. Et une chanson maintenant tirée de la comédie musicale L'amour masqué, une comédie de Sacha Guitry et André Messager en 1923. Et la chanson met en scène une demi-mondaine qui parle des hommes dont elle tire profit. Mon Dieu, qu'ils sont bêtes les hommes. J'ai deux amants, Yvonne Printemps. J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, ils me croient tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, nous sommes, nous sommes. Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser, deux. Tandis que deux, c'est vraiment mieux. Mon Dieu, que les autres sont bêtes. On les ferait marcher sur la tête facilement, je crois, si par malheur ils n'avaient pas à cet endroit précis des ramures de bois qui leur vont, qui leur font un beau front. Je ne sais pas comment nous sommes, nous sommes. Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Au départ, à l'origine, c'est une chanson de plantation que nous allons entendre maintenant, et qui était, cette chanson était chantée par les esclaves noirs dans les années 1850. C'est devenu depuis un chant scout qui anime bien les veillées et les feux de camp, le vieux Joe Jean Humenry. Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Tous mes amis ont quitté les cotonniers. Ils sont partis au pays du grand repos. J'entends leur douce voix chanter. Et cœur est toujours gai. Pourquoi gémir? Ils ne peuvent revenir. Depuis longtemps, ils sont tous partis là-haut. J'entends leur douce voix chanter. Et par les travaux, j'entends leur douce voix chanter. Et oh vieux Joe, où sont-ils donc, les amis qu'on aimait tant, et ces enfants qu'on berçait si doucement? Heureux, près de je serai bientôt. J'entends leur douce voix chanter. Et oh vieux Joe, me voilà tout brisé par les travaux. J'entends leur douce voix chanter. Et oh, poursuivre le thème musical du film de 1965, Docteur Jivago, composé par le français Maurice Jarre, la chanson de Lara John Williams. C'était si bon, serré entre tes bras. viendra. Oubliant l'heure, la guerre, la peur, le froid, le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà le canon tonnait. Un jour là-bas, quand tournera le vent, un jour là-bas, ce sera comme avant. Alors c'était comme un manège. Pour toi sera ta chanson Elle a gagné la première saison de la Starac, c'était en 2002. Elle a depuis enregistré 8 albums. Ça y est, vous l'avez ? Oui, c'est son dernier titre, Notre idylle, Jennifer. Te souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines ? Reconnais-tu mon adresse, nos larmes au bord de la Seine ? Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les sous la veste, toutes ces morsures qui ne s'oublient pas. Toutes ces heures passées dans tes bras. Madeleine était une amie de Jacques Brel et elle avait une fois oublié un rendez-vous avec lui. Alors, il aurait pu en faire tout un plat, non ? Bon, il en a fait une chanson. Madeleine, Jacques Brel.